Anna. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 26 juillet 2019. Voici les grands titres de cette édition. La permanence zonale du Parti Congrès National pour la Liberté CNL à Kizuka, en commune et province Rumonga, a été salie au moyen des excréments humains la nuit de ce jeudi à vendredi. Notre correspondant nous donnera les détails. Même scène sur les deux permanences du CNL à Murengeza, c'est en commune Manda et à Kibinga, en commune Rugazi, deux dans la province de Bubanza. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi et le secrétaire exécutif de l'autorité du lac Tanganyika ont apposé ce jeudi leur signature sur une convention portant sur le projet de gestion des eaux du lac Tanganyika. Reportage dès le début de ce journal. Et plus de 2000 hectares sont déjà partis en fumée suite au feu d'origine criminelle signalé dans la réserve de la Rovuo. Il y a une semaine, notre correspondant nous en parlera. La radio de l'avenir. Bonjour, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi et le secrétaire exécutif de l'autorité du lac Tanganyika ont apposé ce jeudi leur signature sur une convention portant sur le projet de gestion des eaux du lac Tanganyika. 6,9 millions d'euros, c'est le financement du projet qui va concerner 5 villes des 5 pays limitrophes du lac Tanganyika. Projet qui va durer 4 ans. Les détails avec Evariste Nzikobanyana qui a suivi de près la signature de ce financement. Côté ville Bujumbura, ce projet va réhabiliter le centre de traitement des eaux usées de Buterere. Jean-Marie Nibirandije, secrétaire exécutif de l'autorité du lac Tanganyika, indique que le gouvernement burundais est satisfait par ce financement de l'Union européenne. Pour le contenu du projet, il y aura des études. Des études qui vont nous aider dans le futur de voir comment diminuer effectivement la pollution du lac. Pour les actions concrètes, il y aura d'abord la station d'épilation des eaux usées de Buterere. Sera réhabilité. Il y aura aussi l'achat des camions hydroculaires. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Wolfram Vetter, et le représentant résident de l'agence belge de développement Enabel, Koel Gokint, expliquent que ce projet vient diminuer les eaux usées qui polluent les eaux du lac Tanganyika. Albert Mbonerane, l'environnementaliste qui n'a cessé de décrier la pollution du lac Tanganyika, indique que ce projet, qui sera financé par l'Union européenne, vient à point nommé. Oui, je suis très satisfait. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui vient renforcer, je dirais, les capacités de l'autorité du lac Tanganyika et surtout que la grande action sur laquelle va porter ce projet, c'est la réhabilitation de la station d'épuration de Buterere, qui pour moi, c'était une des sources de pollution les plus graves du moins du côté du Burundi. Et puis aussi, comme on va mettre en place, renforcer les capacités du laboratoire de l'OBPE, je dirais périodiquement, on pourra évaluer comment le projet fait des résultats tangibles sur la qualité de l'eau. Et là, peut-être les poissons qui étaient menacés par la pollution aussi pourront se retrouver en bonne santé. Et si les poissons sont en bonne santé, si l'eau de qualité est en bonne santé, la vie des personnes humaines, surtout ceux qui environnent le lac Tanganyika, sera en aise et on peut parler du développement durable. Ce projet portant gestion des eaux du lac Tanganyika sera exécuté sur un financement de 6,9 millions d'euros durant 4 ans dans 5 villes des pays limitrophes du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie. Merci Évariste. Environnement toujours avec ses 2000 hectares déjà partis en fumée suite au feu d'origine criminelle signalé dans la réserve de la Rovuo il y a une semaine. Le responsable de la réserve en appelle à la conscience des habitants des localités riveraines de la réserve. La réserve est un patrimoine commun à préserver. Dieudonné Nzeyimana. Les feux de brousse signalés dans le parc de la Rovuo ont commencé à se faire remarquer depuis le 10 juillet en cours. Marc Bakondinoual, responsable de cette aire protégée, fait état de plus de 2000 hectares partis en fumée, emportant végétaux et certains animaux incapables de fuir. Les auteurs présumés de cet incendie d'origine criminelle seraient des braconniers, des pêcheurs dans la rivière Rovuo et des éleveurs des localités proches. La protection de la biodiversité doit être une affaire de tout un chacun, estime les responsables du parc, s'activant à sensibiliser les habitants et les partenaires, tels l'administration, les agents d'ordre, sur la nécessité de travailler en synergie pour espérer mettre fin à ce phénomène ou à défaut mettre la main sur les auteurs de cette criminalité. Avec une superficie de plus de 50 000 hectares, la réserve de la Rovubu s'étend sur des parties des provinces Changuzo, Ruyigi, Muyinga et Karuzi. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. De l'environnement, passons à la santé. Des formations de renforcement des capacités vont bientôt être organisées pour des chirurgiens généralistes. C'est une annonce faite par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'était ce vendredi lors de l'ouverture d'une réunion régionale des chirurgiens. Dr Tadendi Kumana dit que ces formations permettront au Burundi d'avoir des chirurgiens en nombre suffisant. Les précisions de Moïse Misako. Dans cet atelier scientifique des chirurgiens de l'Afrique de l'Est, du Centre et du Sud, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Tadendi Kumana, dit que bientôt des formations de spécialisation en chirurgie seront organisées. Le Burundi va bientôt bénéficier des formations spécialisées en chirurgie à travers COSEXA, je dirais collège régional. Nous avons pas mal de médecins généralistes qui travaillent dans les hôpitaux de district et c'est une bonne opportunité pour que ces médecins généralistes puissent bénéficier des formations quitte à avoir des diplômes de spécialité en chirurgie. Et nous avons déjà, ensemble avec Abouk, identifié quelques hôpitaux qui serviront de modèle parce qu'il faut avoir un chirurgien attitré pour pouvoir entrer dans le cadre de cette formation. À part le CHIK et l'hôpital militaire qui ont déjà commencé, nous allons associer l'hôpital Prince Reja, l'hôpital Nato Tulashobo et Dokaro, aussi l'hôpital de Kibimba et l'hôpital de Kibuye. Le ministre Tadendi Kumana dit que le Burundi bénéficiera des compétences d'autres chirurgiens spécialistes à travers cette approche de formation. Et cela va nous permettre d'avoir des chirurgiens compétents et qui ont des diplômes reconnus au niveau international. À travers ABOC, nous avons une quarantaine de chirurgien attitré, mais nous comptons augmenter son nombre à travers cette nouvelle approche de formation sur place. Donc, cette formation sur place va permettre d'abord à ce que la population bénéficie des compétences de ces professeurs chirurgiens, mais aussi des étudiants en chirurgie, et tout en assurant que la qualité des soins va s'améliorer dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que c'est une opportunité pour le Burundi d'avoir des chirurgiens compétents sans toutefois dépenser beaucoup de devises. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, la permanence zonale du Parti Congrès National pour la Liberté CNL à Kizuka, en commune de Provence Rumonge, a été salie au moyen des excréments humains la nuit de ce jeudi à vendredi. Les membres du CNL, qui ont passé toute la journée de ce jeudi à la peindre à chaud, accusent certains des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD de la localité d'en être les auteurs. Ulimwengu Bigirimana, représentant communal de la Ligue des jeunes Imbonerakure à Rumonge, dit que cette Ligue n'a pas inculqué à ses membres de tels actes et la responsabilité pénale doit être individuelle. Jean-Pierre Misago pour les détails. Certains membres du CNL à Kizuka ont trouvé ce vendredi matin leur permanence zonale salie au moyen d'excréments humains sur les murs externes et même internes. Ces membres du CNL venus colorer cette permanence par les symboles de leur parti accusent certains membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD de la place d'être les auteurs de ces actes. Certains Imbonerakure de la place auraient en effet proféré des menaces contre un membre du CNL ayant participé dans la peinture à la chaux de cette permanence la journée de ce jeudi et il aurait été averti que l'exemple sera donné sur cette permanence selon ces membres du CNL qui dénoncent une intolérance politique. Ulimwengu Bigirimana, représentant communal de la Ligue des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD à Rumonge, dit que les auteurs de ces actes de Kizuka n'ont pas à se passer pour des Imbonerakure car cette Ligue n'enseigne nullement de tels actes. Il indique qu'il ne cesse d'inculquer à ces jeunes qui lui représentent la cohabitation pacifique avec les membres d'autres formations politiques. Et dans le cas d'espèce, la responsabilité pénale est individuelle. Entre-temps, la permanence du CNL en zone Minago qui sera inaugurée ce samedi est gardée par les membres de ce parti, de même que celle de Kigwena dans cette même commune de Rumonge. Selon le député Obed Nakiruta, représentant provincial du CNL à Rumonge, ce parti disposerait en effet des informations sur un probable vandalisme ou même une démolition de ses permanences. Ce responsable politique regrette l'arrestation d'un des quatre membres de son parti qui gardait la permanence de son parti à Kigwena la nuit de ce mercredi à jeudi, estimant qu'il n'y a aucune infraction en gardant sa permanence. À la police judiciaire de Rumonge, l'on fait savoir qu'un officier de police judiciaire enquête sur ce cas. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, je l'avais dit également. Même scène en province Bubanza où les écrits d'identification de deux permanences du CNL à Murengeza en commune Manda et à Kibinga en commune Rugazi ont été effacés ce jeudi par certains membres du CNDD-FDD selon le représentant du CNL dans cette province. De plus, la permanence se trouvant tout près du chef-lieu de la commune Manda a été fermée au cadenas. Les membres du CNL n'y ont pas accès selon les représentants de ce parti dans cette localité. Alexis Manila Kiza, représentant provincial du CNL, déplore également des arrestations intempestives des membres de ce parti. Plus de 10 viennent de passer plus de 2 mois à la prison centrale de Bumanza, certains d'entre eux accusés de tenir des réunions clandestines. Le représentant provincial du parti au pouvoir, de même que le conseiller socioculturel du gouverneur, disent plutôt qu'il y aurait une exagération dans ces accusations et que les partis politiques mènent une cohabitation dans cette province. On reste dans la province de Bubanza pour vous dire que 3 personnes ont été attrapées par la population sur la colline Rubira dans la commune Manda. C'était ce mercredi. Selon l'administration locale, ces présumés bandits ont d'abord faussé leur identité en déclarant qu'ils venaient de Bujumbura. Mais après de courtes enquêtes, on a constaté que ces 3 hommes sont originaires de Gihanga, selon la même source. L'administrateur de la commune Manda fait savoir que ces présumés voleurs ont été remis à la police judiciaire pour enquête. Spes Caritas Kavanyana. C'était ce mercredi au moment où les habitants de la colline Rubira en commune Manda ont vu dans un débit de boissons 3 hommes étrangers dans cette localité. Ils les ont suspectés comme voleurs et ont commencé à les interroger. Rigotés, ils ont d'abord voulu fausser leur identité et ont déclaré qu'ils venaient de Bujumbura et qu'ils se rendaient à Rubira pour une visite de leur connaissance. Mais après échange d'informations entre différents chefs de colline et la population, on a vite constaté que ces personnes sont de la commune Gihanga, leurs noms Lambert, Eric et Manassé. Le premier du nom de Lambert, qui a été sérieusement tabassé par la population lors de son arrestation, selon des témoins sur place à Louira, avait échappé à la police à Gihanga la semaine dernière. Il y faisait partie d'un groupe de présumés bandits. L'un a été tué, 6 autres ont été conduits au cachot, selon l'administration locale à Gihanga. L'administrateur de la commune Manda encourage la population à la vigilance et à suivre de près les personnes suspectées afin de prévenir le banditisme et d'autres forfaits. Frédéric Chongera indique que ces 3 présumés bandits ont été remis à la police judiciaire pour enquête et qu'ils sont détenus pour le moment au commissariat provincial de police à Bubanza. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. On revient sur la salubrité des eaux usées mêlées à des excréments humains qui se déversent dans les regards se trouvant sur la route séparant les quartiers 8 et 2 de la zone Ngagara à mairie de Bujumbura, menace la vie de la population environnante. Certains habitants exerçant le petit commerce le long de cette route disent que l'odeur nauséabonde qui est produite à partir de ces regards perturbe leurs activités. Ils craignent des maladies de main sale et demandent aux autorités hiérarchiques d'user de leurs responsabilités pour régler le problème. C'est un reportage de Mérichard Niongourou. Cette eau que vous entendez couler n'est pas celle du robinet, mais ce sont des eaux usées mêlées à des excréments humains qui débordent les regards destinés à les accueillir. Située le long de la route qui sépare le quartier 2 et 8 de la zone Ngagala à mairie de Bujumbura, précisément près de l'école fondamentale dite Koba Katolika et l'université Espoir d'Afrique, ceux qui exercent leur métier à côté de ces regards disent que l'odeur nauséabonde produite par ces eaux usées ne leur facilite pas la tâche. Même son de cloche pour ceux qui détiennent des boutiques et cabarets sur cette route qui font savoir que cette odeur perturbe leurs activités. On ne fait qu'assister impuissamment cette fuite. En plus, cette eau est très sale avec un grand débit. Ça nous cause des ennuis parce que nos clients ne viennent plus normalement. À cause de cette odeur désagréable, nous lançons un appel à nos autorités d'essayer de réhabiliter cet endroit afin qu'on puisse travailler tranquillement pour gagner notre pain. Les habitants de cette localité expliquent qu'ils ont soumis la question aux autorités administratives, mais que jusqu'ici, rien n'a été fait. Faustin Nyambere, chef de quartier 8 de la zone Ngagara, a révélé à la radio Isanganiro que la racine de ce dysfonctionnement de ses regards serait liée à l'installation des tuyaux d'évacuation de ces eaux usées qui seraient, selon lui, de petites sections. Cette autorité administrative locale précise que, pour dénouer cette situation, il faudrait une politique de réviser l'installation de la base au sommet pour corriger définitivement ce problème. Quant à Emile Dendikuriyo, chef de zone Ngagara, à mairie de Bujumbura, cette politique de réviser l'installation de ces tuyaux d'évacuation des eaux usées demande des moyens que la zone en elle seule ne peut pas avoir. Le pourquoi de son appel à l'hiérarchie supérieure. Moi, je vais transmettre le rapport aux autorités hiérarchiques. Eux, ils vont prendre une décision, peut-être de toquer à la porte des partenaires pour que ces travaux puissent avoir lieu parce que les CTMU n'avaient ménagé aucun effort. Ce dysfonctionnement de ces tuyaux d'évacuation des eaux usées date des années 2007, comme nous l'ont fait savoir les autorités administratives de la zone Ngagara à mairie de Bujumbura. Merci Aimé Richard pour ce reportage. Et en bref, la loi sur la protection de l'enfant devrait être promulguée du moment que son élaboration a été achevée. C'est le souhait exprimé ce jeudi à Gitega par le représentant de l'UNICEF dans un atelier d'échange sur les défis de la chaîne pénale en matière de justice des mineurs. Cet atelier avait regroupé les responsables des tribunaux et parquets de tout le pays, les commissaires régionaux de la police judiciaire ainsi que les responsables provinciaux des centres de développement familial. Le directeur général de la protection civique au ministère de la Justice se dit confiant que cette loi sera bientôt promulguée. La diaspora burundaise compte réaliser 3 grands projets au Burundi, selon Japhet Le Gentil, Ndayishimiye, représentant de la diaspora burundaise. Parmi ces projets figure un projet de construction d'un hôpital de référence et le développement du secteur agro-pastoral. C'est au moment où cette semaine est dédiée à la diaspora. Et la sélection nationale burundaise de volleyball a été disqualifiée ce jeudi dans les compétitions africaines de volleyball qui se déroulent en Tunisie. C'est après avoir été battu 3-7-1 par la sélection nationale de volleyball du Congo-Brazzaville. Le Burundi n'a battu aucune équipe parmi les 4 matchs disputés. Et dans la demi-finale, le Cameroun affrontera l'Algérie au moment où l'équipe nationale égyptienne croisera le fer avec l'équipe nationale de la Tunisie, le pays hôte. Et ces matchs de demi-finale se jouent ce samedi 27 juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.